World Trade, une exclusivité sur Bande à Part et Brume, la radio étudiante de la région lyonnaise. Et pas loin de 11h, bonjour. Oh, World Trade, donc un groupe américain, californien pour être bien précis. World Trade, un album sorti fin 89, distribué en 90 par Virgin sur le label Polydor. Voilà, vous savez tout. World Trade, alors vous allez me dire, oulala, mais ça ressemble un petit peu à du Yes époque Trevor Rabin. Bien vu les copains. Je sens que vous devenez de plus en plus amateurs de rock progressif. Oui, World Trade, eh bien, c'est très très proche de Yes, à tel point que le chanteur eh bien, est pressenti comme successeur de John Anderson. Et oui, l'ex-chanteur de Yes, maintenant dans ABWH, Anderson, Bruford, Wakeman and Hove. Donc Billy Sherwood, c'est son nom, le chanteur, donc est pressenti comme remplaçant dans l'ex-Yes, enfin l'ancien Yes, ce qui reste de Yes, entre autres avec Chris Quayle à la basse. Donc World Trade, c'est tout nouveau, c'est tout beau, et ça a donc fait plaisir à pas mal de personnes, puisque donc effectivement, on s'est dit, tiens, ça pourrait être le remplaçant de John Anderson. Avant, donc, nous avons entendu Essenia. Alors, Essenia, s'écrit comment ? H-E-C-E-N-I-A. Voilà, Essenia. Essenia, eh bien, Essenia, c'est un groupe, comme je vous disais, donc signé par Musea. Un album sorti 90 qui s'intitule Légende au pluriel. Légende. Thierry Brandet, Pierre-Yves Chiron et Jean-Paul Trutet sont les musiciens qui composent cette splendide formation. Le titre, La vieille femme et la chandelle, 13 minutes 30, que vous avez pu entendre donc juste avant Druide. Druide, c'est une cassette et c'est également un laser proposé par une maison qu'on aime bien, qui s'appelle New World Cassettes, qui fait également donc du laser, comme son nom ne l'indique pas. Druide, donc, ce n'est pas le groupe qui s'intitule comme ça, c'est l'album, oui, c'est le titre de l'album. Le nom du monsieur qui a fait cet album, c'est tout simplement Med, M-E-D, Goodall, G-O-D-A-L, deux L. Pourquoi je vous donne toutes ces références? D'abord parce que Druide, eh bien, ça se trouve dans les grands magasins qui se trouvent du côté de la rue de la République. Alors que Essenia, bon, ça se trouve pas tellement là, faudra commander à Musea. Alors Musea, les coordonnées, eh bien, je vous donne, Musea 68, comme le mois de mai, la Tinchotte, T-I-N-C-H-O-2-T-E, Tinchotte, 57-117, Retonfay, R-E-T-O-N-F-E-Y, Retonfay, comme il prononce là-haut. Un catalogue vous sera envoyé sans aucune obligation de votre part. Et qu'est-ce que je peux vous dire encore? C'est une association sans but lucratif, donc c'est pas des requins. Hein, on viendra pas vous piquer votre argent si vous n'êtes pas d'accord. Donc voilà pour Essenia, voilà pour Druide, pour World Trade. Je pense que j'ai fait le tour, vous savez tout. Bien, on va continuer sur un fond de World Trade avec quelques news. Il faut bien y passer, alors courage. Alors tout d'abord, des bonnes nouvelles, oui, des bonnes nouvelles, ça fait plaisir, enfin, la FNAC, allez, c'est dit, la FNAC a un rayon de rock progressif laser, et oui, ça fait plaisir, enfin, grâce aux efforts répétés de votre serviteur et de tout le groupuscule de rock progressif sur Lyon, et je salue au passage les amis Alain, André et Michel, ainsi que Nicolas. Eh bien oui, tous ces amis nous ont aidés pour dédouaner le rock progressif et le faire connaître, le faire vivre. Eh bien, on trouve plein de choses. On trouve la compilation Enchantement. Enchantement, vous connaissez tous. C'est une compilation prestigieuse avec Ange, Atoll, Pulsar, Anoxy, j'en passe des meilleurs, Halloween. C'est en laser, ça se trouve là où je vous ai dit tout à l'heure. On trouve également le dernier Forgas. Forgas est un musicien qui, dans les 70... a fait du rock de Canterbury style Stop Machine. Eh bien, il vient de sortir un nouvel album qui s'appelle L'Oeil, qui est disponible également là où je viens de vous dire. On trouve également Days. Alors là, vous connaissez, depuis 5-6 ans qu'on vous rabat les oreilles avec ce Marillion suisse. Eh bien, le premier Days disponible chez Bunisea en laser, eh bien, se trouve là-bas. On trouve également, et oui, j'arrêterai quand même, je ne vais pas faire tout. Et on trouve également Aragon. Alors Aragon, vous connaissez aussi, c'est le Marillion australien cette fois-ci. C'est superbe, c'est réédité par notre ami de Shop 33, Ugum. Et c'est superbe avec 18 morceaux, qu'est-ce que je dis, 18 minutes en morceaux inédits. Et vous connaissez également, puisque on vous en a rabattu les oreilles sur cette antenne, en tout cas pendant Bande à Part. Voilà un petit peu tout ce qu'on peut trouver, et encore, c'est pas fini, ça va continuer. Je pense qu'il y a aussi Green Space, et j'en passe, c'est des meilleurs. Dans les boutiques d'occasion lyonnaises, vous savez que ça bouge énormément, on y trouve énormément de choses. Eh bien, on y trouve également Harmonie, le nouveau numéro de ce prestigieux magazine de rock progressif. Harmonie, le numéro 11, est en vente partout sur Lyon, au prix de 30 francs. Alors précipitez-vous, on le trouve un peu partout. Je cite des noms. Bon, allez, Best of, Place de la Martinière, Mazurka, rue Hippolyte Flandrin, Bouledingue, rue du Palais de Justice. J'en ai oublié, qu'il m'excuse, mais toutes ces boutiques branchées, bien vous trouverez des articles progressifs. Vous trouverez également le fanzine lyonnais, il en existe un, fait par votre serviteur, ainsi que notre ami André-François Ruot, Acid Dragon, oui, il est à sa troisième édition, une quatrième est en préparation. Eh bien, Acid Dragon, on le trouve également. Oh là là, mais c'est incroyable, il va falloir faire des économies, on va plus s'en sortir là. Allô, monsieur le banquier, vous pouvez pas me prêter le pouvoir de dire oui, bien sûr. Donc, Muséa, eh bien, on trouve la compilation d'Enchantement chez nos amis de Best Of. Voilà, et puis même à la Pardieu aussi, on trouve le dernier album de Pulsar, on va trouver Enchantement. C'est un massacre, on n'en peut plus. Les nouvelles, encore quelques-unes, et après on remettra un peu de musique parce que vous en avez plein les oreilles, mais c'est 11h10, alors on en profite. Eh bien, quelle nouveauté au niveau discographique? Kamel sort un album, et oui, très prochainement. Pendragon a sorti un maxi, et ce sera pour la prochaine émission. Un nouveau double LP de Roger Waters après son concert à Berlin, The Wall. Un nouvel Asia, oui, vous savez bien, avec John Wetton par exemple. Eh bien, Asia a sorti un album, Now and Then, avec une face de compil des meilleurs morceaux et une face d'inédit. C'est là où j'insiste, une face d'inédit. Voilà, et qu'est-ce que j'ai oublié encore? Oui, une réédition de Machiavel, un groupe belge, Mechanical Moonbeams, les rayons de la lune mécanique, c'est le titre, et c'est disponible également chez Ugum, notre cher ami Ugum, voilà. On parlera des concerts, on parlera des publications tout à l'heure, il y en a marre. On passe tout de suite à une réédition japonaise d'un petit groupe italien qu'on aime bien. Mais je vous laisse la surprise. Voici donc un groupe de 72 réédité par le Japon, Reale Academia di Musica. Bon à part, the progressive program in Lyon on Broom FM. di cosa penso, padre? Mi gridi dove voglio andare? Come finirà? Padre, hai detto avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, c'est pas l'heure de Bonaparte, l'émission du rock progressif. Oh, mais oui, t'as raison, on est quel jour aujourd'hui? Bah, on est dimanche. Ah oui, c'est quelle heure? Bah, c'est 10h. Ah oui, et les bas, c'est quoi qui coule? Eh ben, c'est le bas. Bonaparte, l'émission du rock progressif, le 15 de chaque mois. Cool. Ah non, cette fois-ci, c'est pas ma faute. Il y a eu une perturbation dans le courant, ce qui a fait un peu massacrer Reale Academia di Musica, qui nous pardonne. Donc, un groupe italien réédité par les Japonais, un groupe de 72 qui a sorti un unique album, donc du même nom. Enchaîné, Pageant, l'un des plus beaux fleurons du rock progressif japonais. Et nous allons passer à notre quart d'heure, notre même 20 minutes de rock progressif japonais. On peut pas y échapper, car du côté du pays du soleil levant, eh bien, il y a des nouveautés en pagaille. Alors, je vous ai apporté quelques-unes, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Vermilion Sands et Providence. Vermilion Sands, un album intitulé Water Blue. Au bleu, c'est là où il y a l'iceberg, bien sûr, paru en 87 et qui vient d'être réédité en laser. Providence a un peu plus de punch, comme quoi le progressif peut être doux, peut être calme, peut être un peu plus hard. La palette est très très large, et je pense que vous en êtes convaincu depuis que vous écoutez donc cette émission. Providence, un album tout nouveau, tout récent, 7,90, et je réciterai un vieux mythe. Providence, un album avec un peu de punch, donc comme je disais, notamment grâce à l'apport de Christian Beya. Christian Beya, c'est le guitariste d'Atoll. Vous avez peut-être connu Atoll, c'était un peu le dauphin de Ange, et bien Christian Beya leur prête la main et la guitare, si je puis dire, sur le morceau que nous allons entendre, qui est le morceau phare de l'album, d'où son titre. Donc Providence, Christian Beya, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Atoll vient de sortir un album L'Océan, en français dans le texte, pressé en laser au Japon et qui normalement devrait être disponible en France chez Carrère si tout va bien, parce qu'il y aurait des problèmes de distribution. Je voulais pas apporter parce que les amateurs de rock progressif de France et de Navarre seraient plutôt déçus. C'est assez commercial, c'est assez facile. Je citerai pas de nom et de comparaison, mais en tout cas, ce n'est pas bien génial. Voilà, donc j'arrête mon blabla. Donc après Reale Academia di Musica, après Pageant, on passe à Vermilion Sands et Providence. Il est 11h33, vous êtes sur Brume, et c'est Bande à part, l'émission du rock progressif. Mea culpa, mea maxima culpa, cette fois-ci, c'est le circuit à l'intérieur.